Bonjour tout le monde, welcome to French Pod, I'm Erica. Bonjour les amis, je suis Amaury. This is an intermediate lesson. Une nouvelle leçon intermédiaire qui a pour thème Londres. For our London themed month. And this time, we have our friends, les Rossignols, who are gonna go to London. Donc on les retrouve avec plaisir de l'autre côté de la Manche. Yeah. So let's listen to the dialogue and hear the adventures of Mommy et Papy in Londres. Qui ont de la chance, ils sont en vacances. Je suis heureuse d'assister à la relève de la garde au palais de Buckingham. On dirait que ça te plaît d'être en vacances à Londres, mamie. J'attends avec impatience de visiter la tour de Londres demain. Le plus étonnant, c'est que contrairement à tout ce qu'on dit sur la cuisine anglaise, le roast beef qu'on a mangé hier était délicieux. En plus, on a vraiment de la chance d'être là pendant la période des soldes. Et même moi, je crois que j'ai fait une bonne affaire en achetant ce costume à 300 euros. Mais enfin, papy, c'était 300 livres. Les Anglais n'ont pas adopté l'euro. Hein ? Et ça fait combien alors ? Presque 450 euros. Papy and currency do not mix. Non. Every time I get it, well. Partout, en Angleterre, en France, c'est pareil, c'est la même chose. Right. So, les Rossignols are in London and they're talking a little bit about their vacation, right? C'est ça. Et donc, pour l'instant, ils assistent à cette parade, en fait, juste devant le palais de Buckingham. La relève de la garde. Ouais. This word, une relève, is it a common word? C'est dans le vocabulaire militaire, on va dire. Donc, on l'utilise quand on fait un changement des militaires qui sont présents. So here it's changing of the guard at the palace, but you could also say that in a war or something, changing the troops, une relève. Voilà. So they're going to assister à la relève. Oui, donc il faut bien préciser que le « a » est nécessaire, assister à quelque chose. And elle est heureuse d'assister. Oui, on est heureux, on est content de faire quelque chose. And we see that also later when Papi responds to her that, on dirait que ça te plaît d'être en vacances. Oui. So usually we're talking about an emotion, an adjective that we feel about some kind of verb. We use the word de, right? Je suis heureuse d'assister, ça te plaît d'être en vacances. And he said, on dirait que. Donc c'est très commun cette formule ici. And that kind of means I think it, really. Tout à fait. So if I want to say, hey, Amri, on dirait que tu vas bien aujourd'hui. Merci Erika, ça va pas mal. Seems to me that, I think. And on dirait que mamie s'amuse bien à Londres. Bah oui. She's having a great time because she's heureuse d'assister à la relève de la garde. And also, elle attend avec impatience de visiter la tour de Londres, le lendemain. So she can't wait. She's gonna see la tour de Londres. Et même, elle profite de ses vacances. Yeah. And for Papi, le plus étonnant is what on this trip? Le plus étonnant, c'est que... What? Contrairement à tout ce qu'on dit... About what? Sur la cuisine anglaise... Okay. What's the analysis? Eh bien, le roast beef qu'ils ont mangé hier était délicieux. For a French person, that's étonnant. Étonnant, oui. Because normally French people aren't that interested in la cuisine anglaise. Ils ne s'attendent pas à quelque chose de délicieux. But contrairement à tout ce qu'on dit sur la cuisine anglaise... On leur a prouvé l'opposé. Yes, Papi is satisfied with le roast beef. Exactement, il a adoré. Now, there's a kind of a lot of structures we have in here. Le plus étonnant, c'est que something, contrairement à something. Tout ce qu'on dit sur something. Let's do some examples of using most of these things. For example, about the environment. Because that would be a conversation you might actually have where you would use these things. Bien sûr, très bon sujet, Erika. What is the plus étonnant for you about the environment, Amaury? Alors, pour moi, le plus étonnant, c'est que contrairement à tout ce qu'on dit sur l'environnement, il n'y a toujours pas assez de gens qui sont concernés. C'est mon point de vue. Right, okay. Est-ce que tu as un point de vue également sur l'environnement? Le plus étonnant, c'est que le climat change un peu partout dans le monde. Ouais. Every day. Okay. On dirait que c'est ce qui se passe, oui. So that's a little depressing, but let's find some optimism. Voilà. Il y a quelque chose de bon dans tout ça. What is it? Et le plus encourageant, c'est que contrairement à l'inaction générale, de plus en plus de personnes en parlent. Right. That's hope. au moins. At least we're still talking about it. More and more people talk about it. So. Au moins, on en parle. Mm. Okay. Now, let's try the structure one more time for you. Le plus encourageant et intéressant, c'est que, contrairement à tout ce qu'on dit sur la difficulté de la langue française, c'est possible de l'apprendre et le parler couramment. Bien sûr. So there's hope. Et tu en es la preuve vivante. Moi, quand on dit que c'est si difficile que ça, la langue française. Well, sometimes people say it. Ouais, c'est, non, mais c'est vrai. But it's not. Mais non, c'est possible. That's right. So there's hope. Be encouraged. Donc voilà, on a plusieurs exemples. Pour reprendre cette structure. So, mamie et papi, ils ont de la chance. Ils ont même vraiment de la chance. Right, why? Parce que c'est la période des soldes et ils sont là juste à ce moment-là. Ils ont de la chance d'être là. Oui, avoir la chance de quelque chose. And for them, it's d'être là pendant la période. Mm-hmm. Des soldes. Il y a des gens qui vont à Londres pour ça aussi. So there's like les soldes is everywhere in Europe? Oui, et généralement c'est une fois au mois de janvier. Uh-huh. Et une fois au mois de juillet. Ok, it's a good tip. Ouais, ouais, ouais. January, July, so you can write down your calendars. Ok, and même papy, what? Il croit qu'il a fait une bonne affaire. En faisant quoi? En achetant un costume à 300 euros. So, faire une bonne affaire, to get a good deal. Voilà. What's the opposite? Faire une mauvaise affaire. For example, je crois que j'ai fait une bonne affaire en achetant cette robe à 40 dollars. Seulement? Yes, because it was pendant la période des soldes. Ouais, je crois que tu as fait une bonne affaire là. Elle est jolie. Thank you. What about you? Moi, je crois que ce n'est pas vraiment de la chance, car j'ai fait une mauvaise affaire en achetant un téléphone la semaine passée. À combien? À 300 euros. What? That's an expensive phone. Mais oui, mais j'avais besoin. Why? Parce que j'avais perdu le mien. So you just, you know, didn't have time to do some bargain shopping. Mais non. Moi, j'ai pas attendu les soldes. C'était avant les, juste avant les soldes. I guess desperate times call for desperate measures. So pay attention. You achetez quelque chose à the price. Voilà, à un certain prix, okay. Un certain montant. So here, papy, il a acheté ce costume à 300 euros. Mm-hmm. Or, well, was it? Ben, pas vraiment, non. Eh bien, pas de chance, papy. Ce n'était pas 300 euros. How much was it? 300 livres. Just getting adjusted to the whole change from the franc to the euro. Il vient de s'adapter un peu à la conversion de francs en euros. Then he goes à Londres. Et puis pas de chance. Because there is livres. Mais voilà, c'est pas les euros. The pound. Mm-hmm. Et ce n'est pas la même chose. Because les Anglais n'ont pas adopté l'euro. Non. They kept le livre. La livre sterling, ouais. 300 livres, ça fait combien alors? 450 euros. Oh ça fait mal, ça fait mal. I think that mommy should always verify the price of things that papi is buying so he doesn't have to experience these crises cardiaques. Ouais. Donc voilà, on les retrouve maintenant dans les rues de Londres et on écoute le dialogue. Je suis heureuse d'assister à la relève de la garde au palais de Buckingham. On dirait que ça te plaît d'être en vacances à Londres, mamie. J'attends avec impatience de visiter la tour de Londres demain. Le plus étonnant, c'est que contrairement à tout ce qu'on dit sur la cuisine anglaise, le roast beef qu'on a mangé hier était délicieux. En plus, on a vraiment de la chance d'être là pendant la période des soldes. Et même moi, je crois que j'ai fait une bonne affaire en achetant ce costume à 300 euros. Mais enfin, papy, c'était 300 livres. Les Anglais n'ont pas adopté l'euro. Hein? Et ça fait combien alors? Presque 450 euros. Les Rossignols went to Londres. Ouais. And one thing that's interesting is the relationship between les Anglais et les Français. It's a very long historical relationship, isn't it? Ouais, ça remonte à des centaines d'années, en fait. Et donc, on peut appeler les deux des frères ennemis, en fait, les Français et les Anglais. C'est comme ça que je les définis. So you define them as the brothers and enemies. Oui, mais pas méchamment. Yeah. Mais ça veut dire que durant toute l'histoire, deux nations qui ont été importantes durant tout le cours de l'histoire. Yeah, because for so many hundreds of years, there were times where they were enemies, but then friends, they fought together, fought against each other. Et voilà. So the brothers, because... Parce que maintenant, on a des relations très proches avec les Anglais. Right, yeah, France and England are very close. And so the concept of the frère ennemi, you can see in this, because, well, he talked about that they ate un roast beef. Ouais. But you guys have, French and British people have terms... Voilà, on a des petits mots pour s'appeler. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment pas méchants. Maintenant, quand les Anglais nous appellent froggies. So the British call you guys frogs. Ouais, c'est pas difficile de voir pourquoi. Why? Because you guys eat frog legs. Bien sûr. Okay. And then you guys call. Et nous, on les appelle roast beef. Yeah, so you guys call British people. Ouais. Roast beef. Voilà, parce que on trouvait qu'ils mangeaient beaucoup de bœuf. And also, because there's like a rivalry between la cuisine, right? Between French voilà. and English cuisine. Voilà. But, you know, for Poppy, contrairement à tout ce qu'on dit sur la cuisine anglaise, le roast beef qu'il a mangé était délicieux. Pour lui, c'était un régal. So now that's just all in fun. Le roast beef and the frogs. Voilà. So this is another episode of our London theme this month. We started some groups where you can come on Frenchpod.com, maybe find other people in your area that are studying Frenchpod too. Bien sûr. Sur ce, nous avons passé encore une excellente leçon et on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir.